Eu me lembro tanto de nós dois, tão apaixonados, fazendo planos pra depois. Mas algo deu errado. Eu me lembro tanto de nós dois, tão apaixonados, fazendo planos pra depois. Mas algo deu errado. Reste un grand rêveur, c'est pas pour ça que je domine. Savoure le son que je t'amène, il faut que ça te fasse hamen. La vie reste un challenge, toujours être à la hauteur. Ou sinon tu t'allonges et tu perds ta bonne humeur. Faut souvent être à l'heure pour ne pas rater son affaire. Faut toucher le billet vert pour avoir son bout marron, synonyme d'évasion. Mais dans la rue t'es enfermé, voilà ta nouvelle prison. Une raison faut que tu te fais pour ne pas déprimer ou pleurer sur ton sort. Le décor, le nord, rien à envier à Paris. Les mêmes délits, les mêmes gars qui traînent la nuit. Et si on pouvait contrôler nos destinées, je ne serais pas là en train de te dire qu'on veut tous s'évader du quartier ou de la prison. On veut tous s'envoler loin de ces horizons où la mer nous colle aux pieds. Morceau dédicacé pour tous les refrains enfermés. Les marmots, loin des ambiances du quartier. Sur la plage au soleil, on se croîtrait toute la journée. Que du bonheur dans leurs yeux, d'enfants émerveillés. Fini la grisaille du nord, toute la journée farniente. Loin des blocs de béton, où à 8 piges ça fume déjà le chichon. À 13 piges sur le parking, à la vue d'un bifton. À 16 piges ça béton, les parents sont dépassés. Pour eux j'ai une pensée. Manque d'éducation, plutôt classe sociale laissée sur le côté. C'est pas une question d'ambition, mais la vie et ses à côté. Combien de nos darons n'ont pas encore vu la Méditerranée? Ose me dire que c'est pas vrai. RSA expulsion pour manquement au loyer. Fin de mois difficile, dans le frigo rien à grailler. Je pouvais pas les oublier, morceaux dédicacés. Pour darons, darons qui en vacances ne peuvent pas tailler. Un charter pour tous les potes du terre-terre. Tous en scooter des mers, avec des airs de bleu air. On polluerait l'atmosphère sur un son Bob Marley. À plus de 33 degrés, habillé comme à Harlem. Les passants débloqueraient, relax on est venu en paix. Avant le saut dans la piscine, petit pas de danse improvisée. Une goutte pour nos morts, soirée alcoolisée. J't'avoue que le décor ne donne pas envie de rentrer. Bronzage prononcé, moustique atomisé. Père de TN, chemise bien ambiancée. Ça pue le Fahrenheit dans toute la BMW. Direction le Dallas, on se revoit à l'heure du café. Morceau dédicacé à tous les mecs du quartier. Obligé de les citer, les hyènes de toutes les cités. Je pouvais pas oublier nos endroits mal famés. Mais malgré tout, une part de nous rêve de s'évader.